Bonjour Manon, Bonjour. comment vas-tu? Ça Ça va, ouais, c'est bien si tu te tournes parce que sinon j'ai le soleil dans ta va? Ouais. fenêtre. Voilà, c'est bien, c'est mieux. Alors, comment ça va? Ça m'a l'air compliqué ta vie en ce moment. Bah oui, en fait, j'ai un peu raté les appels, donc. Ouais, pourquoi tu les rates? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a des moments où je vois pas parce que ma sonnerie, elle est pas mise. Et il y a des moments où bah, je suis en train de faire mes devoirs, ou voilà, et du coup, je vois pas que tu m'appelles. Eh oui, mais il faut noter quand je t'appelle. Moi, quand tu m'appelles et qu'on prend un rendez-vous, je note. Et mon agenda, je le regarde tous les jours. Ah. Eh ben ouais. Et comment tu fais à l'école? T'as pas un carnet de texte ou un truc comme ça? Si. Eh ben alors, comment tu fais? Tu le regardes ton carnet de temps en temps? Eh ben voilà. Ben c'est la même chose pour moi. Ah, ok. Voilà. Bon. Et puis pourquoi tu as voulu changer l'heure? Parce qu'au moment où tu as voulu changer l'heure, moi, j'étais parti. J'étais pas chez moi. Donc j'ai pas vu. Et c'est pas grave parce que de toute façon, moi non plus, j'étais en train de réviser parce que je me disais que je pouvais t'appeler et après, comme ça, je révise un petit peu après. Sauf que du coup, je me suis dit, je vais réviser avant, comme ça, c'est fait. Eh ben c'est bien. Bon. À part ça, t'es en forme? Oui, ça va. T'as l'air un peu fatigué quand même, Manon. Bah là, c'est parce que je viens de réviser, alors je suis un peu dans le devoir là. Ah bon, alors quand tu révises, t'es complètement plongé dans tes... Et tu révisais quoi? La physique chimie. Ah, c'est bien, qu'est-ce qu'on apprend en physique-chimie? Là, j'apprends sur les. Attends. Sur les. Sur les trajectoires. Ouais. Soit elles sont rectilignes, soit elles sont circulaires, soit elles sont curvilignes. Voilà, très bien. Ouais, c'est bien, d'accord. Ouais, je vois, je vois, je vois. Et après, soit la vitesse elle est constante, Oui. soit elle est accélérée, ou soit elle est accélérée, ou soit elle est constante et ensuite elle accélère. D'accord. Ok. C'est bien ça. Ouais. Bon. Et ça te plaît, ça t'intéresse? Ça va, ça c'est un chapitre assez simple que j'arrive à un truc, mais des fois je comprends pas trop des fois. Ah ben alors C'est un comment peu. tu fais? Tu te fais aider par qui? Par Jason? Bah, j'essaye de réfléchir ou alors je demande à ma copine si elle a compris et si elle peut m'expliquer, ou soit je demande à maman ou à Jason. Ah ben c'est bien ça. Ben voilà, ça va aller. Dis-moi, Ouais. alors j'ai relu ton rapport de stage. Ouais. Je l'ai trouvé très bien. Ah ouais? Ouais, c'est très bien. Tu m'as dit l'autre jour que tu avais fait que tu avais fait un compte rendu de ton rapport de stage à l'école. Tu m'as dit ça. Il me semble que tu m'as écrit un truc comme ça. On va le voir, on va le voir. OK. Mais avant, quel est le nom de ton lycée ou de ton collège? De mon collège là? Ouais. Gabriel Péri. Gabriel Péri. D'accord. Qui c'était Gabriel Péri? Crois que c'est quelqu'un qui s'est fait tuer, non, je sais plus. Oui, c'est quelqu'un qui a fait de la résistance. Mais j'ai oublié c'était qui. Alors, ben, tu regarderas. Non, c'est intéressant quand on va tous les jours quelque part et que cet endroit où tu vas a un nom. Ben, c'est bien de savoir ça, quoi. Oui, Gabriel Péri, c'était un résistant qui était communiste et qui s'est fait tuer pendant la dernière guerre. Voilà. Et dis-moi, quel était le nom de l'école maternelle où tu as été faire ton stage? La maternelle Karl Marx. Oui, qui c'était Karl Marx? C'est un monsieur qui était communiste, je crois. C'est le monsieur qui a inventé le communisme. C'est lui qui l'a inventé. Voilà. Bon. Alors, bah, raconte-moi ton stage parce que tu as... alors, ces derniers jours, Non, non, reste là, reste là, reste là, reste là. Mais attends, parce que j'ai mon rapport de stage Non, avec les notes non, pour mais j'ai pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans ta petite tête. Ah, ok. Moi, je l'ai dans ta tête, ton rapport de stage. Au fait, à l'école, ça va bien? T'es contente? Oui, ça va. Ça va bien, t'as de bonnes notes. Ouais. Enfin, là, j'ai une moyenne de 14 ou quelque chose comme ça. Donc, C'est c'est pas. bien. Voilà, mais là, pendant le troisième trimestre, je vais me donner à fond parce qu'au début, je travaillais, mais j'étais pas. Voilà, mais là, je vais essayer de me rattraper un peu. Oui, mais c'est pas mal déjà 14. C'est bien. C'est bien. Et tu dis que tu peux encore pulser plus. Oui. C'est bien. Bon, mais ça, c'est bien. Alors, raconte-moi un peu ton stage, là. D'abord, pourquoi tu as fait un stage en école maternelle, dans une école maternelle, alors que tu voulais faire de la coiffure? Bah parce que j'ai demandé dans les salons de coiffure, déjà dans celui là où je vais de normalement. J'ai demandé là où je vais d'habitude et ils prenaient pas des stagiaires. Du coup, j'ai demandé dans un qui était à côté. Et ils ont dit qu'il fallait donner tous les papiers, les conventions, les CV, les trucs comme ça. Il fallait tout donner le lendemain. Et sauf que ben, le lendemain, je les avais pas parce que maman, elle m'avait dit, essaye de chercher un stage en avance, comme ça, s'ils te prennent, c'est bien. Du coup, ben, j'ai essayé de le prendre en avance, sauf que tellement j'étais en avance, ils me demandaient les papiers le lendemain alors que ben, justement, je les avais pas, les papiers. Ouais, Je les avais d'accord. pas eu parce que je m'étais pris trop en avance. Du coup, bah, je les avais pas le lendemain, donc ils m'ont dit, bah, tu peux pas et tout et tout. Du coup, je me suis dit, je vais, vu que j'aime bien les enfants et qu'il y a une maternelle juste à 2 rues de chez moi, j'ai fait à côté. Ça, Et c'est j'étais bien. contente. Ça, c'est bien. Alors, ça t'a plu? Oui, ça va, c'était bien. Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé pendant ton stage? Tu es resté combien de jours? Une semaine. Une semaine. Enfin, 4 jours parce que les enfants, ils ont pas école le mercredi. Ah bah oui, ça c'est bon ça. Ouais. Et dis-moi, donc tu es resté 4 jours, et qu'est-ce qui t'a le plus intéressé? En fait, il y a un peu tout qui était bien. Hein. Tout était bien. Il n'y a rien qui t'ennuyait, qui t'a gêné, qui... Non, non, tout allait bien. Des fois, quand je faisais rien et que j'observais juste la classe, c'était un peu ennuyant, mais on me donnait souvent des tâches et des trucs à faire. Alors, du coup, voilà, il n'y a pas trop de trucs que j'aimais Et pas. tu t'es pas ennuyé du coup, hein? Non. Bon, ça c'est bien. Donc, regardez, effectivement, toi, tu as besoin d'action, faut que ça pulse, hein. Et alors, quand tu étais en action, qu'est-ce que tu faisais d'intéressant? J'aidais les petits à faire des parcours en sport. Il fallait tenir une perche et au-dessus il y avait un bandeau, un foulard. Et en gros, je tenais la perche comme ça et les enfants ils devaient taper dans le bandeau. Et si les enfants ils sont petits, et ben je baisse pour qu'ils touchent le drapeau. Mais s'ils sont grands, j'essaye de le lever un peu plus. Donc je faisais ça. Après, j'aidais à faire des calculs, à compter, etc. Et aussi dans le dortoir, quand je réveillais les enfants pour qu'ils aillent à l'école, enfin dans leur classe, et ben c'est moi qui les aidais à se lever de leur lit et tout et tout. Et D'accord. ça, j'aimais bien. Ok. Bon. Donc ça t'a bien plu. Et tu l'as très bien raconté. Est-ce que maman t'a aidé dans la rédaction de ton rapport de stage? Oui, un peu. Enfin, j'ai dit mes idées et elle a soit corrigé les fautes d'orthographe, soit reformulé un peu les phrases Ah, elle a pour que je puisse reformulé. Parce que, donc, elle t'a bien aidé dans la rédaction. Parce que j'avais vraiment la... Ouais. Elle a relu tout mon rapport et elle m'a corrigé, etc. D'accord. Alors, c'est moi qui ai fait les mises en page, les titres, le sommaire. Tous les trucs comme ça, et elle, vu que c'est elle qui l'a imprimé à son travail, elle a pu le relire plusieurs fois pour voir s'il Pour faire manquait des rien. corrections. Alors, elle a fait des corrections à la main, et puis toi, après, Tu les as mis sur... Bah en fait, j'avais déjà tout écrit à l'ordi. J'avais à chaque fois que j'écris un truc, je l'enregistre. Ouais, Et c'est... du coup, bah, je lui envoyais par mail et elle, par mail, elle le recevait à son travail et elle le corrigeait là-bas. Ah, d'accord. Ok, bon, ça Et c'est pour bien. ça, Et elle les le corrigeait papiers. où? Elle le corrigeait sur le mail ou elle le corrigeait en version papier? Sur le mail. Sur le mail, d'accord. Ok, d'accord. Et vu qu'elle ne voulait pas utiliser toute son encre de son imprimante à la maison, et ben elle l'imprimait au travail. D'accord, ok. Bon, ben, c'était bien rédigé, c'était propre, c'était bien, bien fait. Non, c'est avec les photos. C'est toi qui as fait les photos? Oui. Bon, ben, c'était bien. Félicitations. Bravo. Merci. Bon, alors maintenant, quand on a un rendez-vous avec quelqu'un et qu'on ne peut pas le tenir, eh bien, la première chose qu'on fait, c'est de s'excuser. Et tu ne t'es pas Oui. encore à maintenant excusé. Ben si, un message avec le téléphone de maman. Ben non. À quel Oui. message? Je t'ai dit pardon d'avoir manqué ton appel. Ah non, mais Est-ce que attends, ça te c'est pas va ça, si... s'excuser. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends. C'est important ce que je te dis. Pas avec moi, bon, ben oui, on s'arrange tous les deux. Mais et alors, je suis désolé, papy. La première fois que tu m'as appelé, j'arrivais pas à décrocher. Et Oui, j'ai. ah oui, pardon. Et après, tu as écrit pardon, papy. Alors, pardonne-moi, mais j'ai pas fait attention à ça. Donc, mea culpa, c'est ma faute, ça. J'étais un peu fatigué aujourd'hui, j'ai fait mon oral de stage, tu vas m'en parler, ton oral de stage. Voilà, ce que je veux te dire, c'est que quand tu dis pardon, papy, ce n'est pas des excuses, ça. Des vraies excuses, c'est je te prie de bien vouloir m'excuser. Et si je te dis ça, c'est pour toi, parce que des rendez-vous, tu vas en avoir plein dans ta vie, plein, plein. Et bon, bah, tu peux en manquer un, etc. Mais ce qui est important, c'est que la personne à qui tu as posé un lapin, entre guillemets, eh bien, tu t'excuses. Hein? Tu vas le faire, ça? Hein? Ça, c'est bien pour toi. Et dis-toi qu'un rendez-vous avec papy, c'est aussi important qu'un rendez-vous que tu as quand tu dois faire bah, ton compte rendu de stage, etc. C'est moi, si tu veux, j'attendais que tu m'appelles. Si tu veux, j'étais là pour toi parce que moi aussi je réserve mon temps pour toi. Je pourrais faire d'autres choses, mais je réserve mon temps pour toi parce que ça me paraît intéressant de pouvoir échanger avec Manon et puis d'être disponible pour Manon. Tu comprends? Ça, c'est mon rôle de grand-père. Et ton rôle de petite fille, eh bien, c'est de dire, bon, ben voilà. Et puis tu pouvais m'appeler au téléphone. Pourquoi tu ne l'as pas fait? De quoi? Ben, tu pouvais m'appeler au téléphone puisque tu m'avais manqué. Et après, tu m'as dit, ben, appelle-moi, mais tardivement, appelle-moi sur la ligne fixe ou quelque chose comme ça. Pourquoi tu ne l'as pas fait tout de suite? Mais moi, je voulais t'appeler sur WhatsApp, mais c'est quand tu m'as dit que t'avais pas Ah WhatsApp bah oui, que mais pourquoi tu veux j'ai. m'appeler sur WhatsApp alors qu'on vient de s'appeler sur Instagram? Qu'est-ce qu'il y a de mieux avec WhatsApp? Mais parce que je trouvais que WhatsApp, je pensais que t'étais tu et que. Et voilà, je pensais que t'étais tu en fait. Bon non, bon non. J'ai oublié que c'était sur Instagram. Bah oui, non, mais je peux être sur WhatsApp. Mais encore faut-il que je sache que nous avons un rendez-vous sur WhatsApp. Si tu veux, pour que tu comprennes bien, je passe ma vie en ce moment sur WhatsApp, sur Messenger, sur Instagram, sur Snapchat, etc. Et tu sais pourquoi j'ai plein de rendez-vous comme ça? Non. Parce que je fais ce qu'on appelle des podcasts. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un podcast? C'est quand tu t'enregistres en train de parler, non? Oui, voilà, c'est ça. Et j'enregistre des tas de gens. J'échange beaucoup, si tu veux. J'échange beaucoup avec plein de gens différents, si tu veux, et qui sont dans des tas de pays différents, tout près, très loin, etc., etc. Et ça, eh ben, écoute, alors ça peut se faire que si on a un rendez-vous et qu'on s'y tient. Voilà. Bon. Donc, tu comprends que moi, j'attache beaucoup d'importance à nos petits rendez-vous. On n'en a pas souvent, hein. Je t'ennuie pas longtemps, hein. Et je t'ennuie pas souvent, t'es d'accord? Non, bah non. Bah ouais, bon. Donc voilà, on va essayer de s'y tenir. Dis-moi, alors, alors ton compte-rendu de stage, là, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été noté? Ça s'est fait où? À l'école? Ça s'est fait comment? De quoi, l'oral? Oui, l'oral. Ça s'est fait à l'école. Quand tu rentres dans le hall, ils te voient ton prénom et ils te disent que tu es dans. Par exemple, dans la salle 208, moi j'étais dans la salle 208. Et quand tu rentres, enfin d'abord, tu es dans le couloir devant la salle 208 et tu entends des gens parler, alors tu restes dehors dans le couloir, t'attends un peu. Et après, quand c'est à toi de rentrer, ben, il y a deux professeurs. Donc moi, j'avais un professeur d'EPS et la CPE. C'est quoi Et du coup, CPE? C'est quoi CPE? la CPE, Ça veut dire quoi CPE? ça veut dire conseillère. En fait, je sais plus. Pour l'éducation ou un truc comme ça? Ouais, je crois. Tu vois, ce qui est Enfin. important, c'est si tu parles avec des sigles comme ça, parce que ça s'appelle des sigles, il faut savoir ce que ça veut dire. Parce que sinon, on a un peu de mal, quoi. Ouais, alors donc, tu avais tes deux professeurs qui étaient dans la salle. Et du coup, j'ai mis ma clé USB et j'ai commencé à parler devant les deux professeurs. Très bien. Et voilà, ça devait durer 10 minutes. Alors moi, je sais pas, j'ai duré combien de temps parce qu'ils m'ont pas dit. Et ensuite, ils m'ont posé des questions à la fin sur mon stage et tout. Et du coup, bah, j'ai répondu et voilà. D'accord, ok. Ce n'était qu'un jeu de questions et de réponses. Oui, et un jeu d'oral aussi pour savoir parler longtemps. Oui. Il fallait aussi me montrer des images au tableau, genre de ce que tu as vu, ce que tu as observé, ce que. Voilà. D'accord. Et c'était intéressant. Est-ce que c'était quand ça? C'était mercredi. Bon, t'as pas eu de notes pour ça ou t'as eu des notes? Bah, j'ai eu, je pense, une note, mais je sais pas c'est sur combien et on me l'a pas demandé, enfin, on me l'a pas dit, alors je sais pas. Ben, on va te le dire. Parce que Oui. ça fait partie comment dire, du contrôle continu, ça, ça fait partie des Bah, notes que tu vas avoir en classe ou comment ça se passe? je crois que ça fait partie des notes du brevet, mais je suis pas sûre. C'est coefficient 4, je crois. En fait, je sais plus. Mais. Je sais pas en Ben, fait. ça On m'a vaut le pas coup de se vraiment dit. renseigner. Parce que coefficient 4, c'est. Quel est le plus haut coefficient que tu aies? Bah 4, je crois. C'est celui-là. Ben, c'est important, les coefficients 4. Bah oui. Bon. Donc, ça vaut le coup de savoir, comment dirais-je, les notes que tu as eues. Hein. Ouais, c'est important, Bah ça. oui. Tu te renseigneras, tu me diras? D'accord. Qu'est-ce que tu as d'autre à me raconter aujourd'hui? Que ce soir, il y a ma copine qui va venir dormir chez moi pour que demain on aille voir les portes ouvertes d'un lycée de coiffure, cosmétique, esthétique. Ah, d'accord. Et vu que moi je vais être coiffeuse et que cette année j'ai rencontré ma meilleure amie qui veut aussi faire coiffeuse, bah du coup vu qu'on a un point commun, on va sûrement aller dans le lycée qu'on va visiter demain. Du coup c'est un lycée qui est à Argenteuil, qui fait des CAP et tout et tout. Et maman, elle voulait pas que je fasse un CAP parce que elle dit que j'irai pas bien loin si je fais un CAP, tandis que Et si je je fais un pense qu'elle a master, raison, je c'est pense mieux. qu'elle a raison, je pense qu'elle a raison. Mais on va en parler, Voilà, on va en parler. mieux rémunéré que si je fais un CAP et je pourrais même ouvrir mon propre salon. Du Mais coup, bien sûr, mais bien sûr. D'accord, ok. Je vais faire un CAP et non, je vais faire un bac pro. Tu vas faire un bac pro, ça c'est bien. Moi je te félicite, c'est bien parce que faire un CAP, bah, c'est entrer dans la vie par la petite porte. Et maintenant tu Ouais, mérites. c'est. Hein? Ouais, et du coup, avec ma copine, elle va aussi faire un bac pro. Je sais pas pourquoi je dis CAP depuis tout à l'heure. On va faire un pro toutes les deux. Et ensuite, bah voilà. Ben ça, Et en c'est fait, bien. sur Internet, quand je me suis renseignée avec maman sur Internet, et bah, on a vu qu'il faisait pas bac pro coiffure, il faisait que bac pro esthétique cosmétique, et sinon il faisait que des CAP coiffure. Mais là, jeudi et vendredi, donc hier et aujourd'hui, il y a eu des gens de différents lycées qui sont venus nous expliquer leur lycée. Et du coup, bah, hier, l'après-midi, il y a eu les gens du lycée, du coup, que je vais visiter demain, qui sont venus pour nous dire qu'il y avait un bac pro coiffure. Et moi, j'étais contente parce que je pensais qu'il y avait que qui faisait que CAP coiffure. D'accord. Et ça c'est très très bien, Manon. Je suis très content pour toi parce que tu verras, ça va te donner une belle orientation, ça va te donner un peu de hauteur, si tu veux, hein. Et ça va te permettre de grandir mieux et plus vite. Tu vas voir. Parce que tu vas apprendre des choses un petit peu différemment, tu vas sauter des étapes et puis avoir une meilleure formation professionnelle. Tu as une meilleure formation. Ouais, Qu'est-ce et qui... en plus, ils m'ont distribué des papiers où il faut les qualités requises qu'il faut avoir pour pratiquer le métier de coiffeuse et tout. Et je sais qu'il faut aimer la communication et parler. Et moi, bah, j'aime bien. Ensuite, il faut être patient, il faut être bienveillant. Enfin, bref, moi, je suis pas trop patiente, mais je pense que je vais m'habituer. Voilà. Il faut que tu sois patiente, Manon. Hein? Et puis, tu viens de dire un mot qui est très joli, qui est très important, c'est bienveillant. Qu'est-ce que ça Oui. veut dire bienveillant? Ça veut dire que tu respectes un peu les autres et Voilà, tu... c'est important. Oui, tu les respectes. Hein? Et puis, tu es dans le partage avec eux, tu es dans l'échange. Tu fais la nuance Ouais. entre une fille qui a eu son CAP et puis qui fait des shampoings toute la journée. Et puis une dame qui va peut-être avoir comment dirais-je, son salon de coiffure et qui va pouvoir parler avec ses clients, les conseiller en esthétique, etc. Comprendre un petit peu ce qu'elles veulent, etc. Et comment elles veulent être coiffées. C'est bien ça, tu sais, ça va être très bien pour toi. Et puis c'est un joli métier pour une fille. Et en plus, dans le salon de coiffure où je vais tout le temps pour me coiffer, enfin pour voilà, la dame, on la connaît bien parce que la dame, son fils, c'était un copain à Jason, mais maintenant il se voit plus parce que ça fait longtemps qu'il se voit plus, mais en tout cas, sa mère, bah, elle est coiffeuse et elle nous a toujours coiffés, elle nous connaît bien. Et vu que son fils, bah, du coup, c'était le copain à Jason, bah, du coup, on se connaît bien. Et j'ai toujours adoré parce que elle faisait toujours en sorte que ce soit elle qui me coiffe quand on venait. D'accord. Et du coup, j'aimais trop parce que je voyais comment elle faisait, je regardais et j'aimais trop. C'est bien. Maintenant, je vais te faire un petit reproche. Moi, quand je te regarde droit dans les yeux. Toi, tu passes ton Oui. temps à tourner la tête, à regarder tes pieds, à regarder sous ton bureau, etc. Quand tu parles avec quelqu'un, essaye de bien le regarder en face, droit dans les yeux. Hein? Oui. D'accord? Ça, c'est important. Mais tu as besoin de bouger. En gymnastique, comment ça va? Ça va, je suis arrivée cinquième. Parce que, en fait, normalement, on a fait une compétition contre plein de gens. Et il y avait 12 équipes, en gros. Et 12 équipes, c'est beaucoup. Et nous, on s'était dit que vu notre niveau et notre prestation qu'on a fait à la compétition, on est allé arriver vers 10e, 11e, parce que les autres, ils sont super forts. Et du coup, ben, voilà. Et au final, on a eu nos résultats et tout et tout, et on est arrivé 5e. Et ce qui fait que normalement, entre 6 Bravo. et 12, entre la 6e place et la 12e place, on est qualifié pour une prochaine compète avec des gens moins forts, ça veut dire qu'on sera capable de les battre, tu vois. D'accord, Enfin, ouais, ils sont beaucoup d'accord. plus relevés, mais on sera capable de. Voilà. Tandis que si on est entre 1 et 5, on va être qualifié pour une compétition avec des gens beaucoup plus forts. Et nous, ben, on s'était dit qu'on allait arriver 10e et qu'on allait être large pour la prochaine compète. Sauf qu'en fait, on est arrivé 5e, ce qui fait qu'on va être contre des gens beaucoup plus forts. En plus, ça va être beaucoup plus loin. Et du coup, ben, il faut travailler, Eh travailler pour ben, il faut avoir. travailler. Et ça c'est la réussite. Hein? C'est la clé de la réussite maintenant. C'est le travail, et encore le travail, et toujours le travail. Toute ta vie, tu vas devoir travailler. Ouais, et en plus, vu que c'est loin, là où on va faire, c'est à Sancigny sur le temple. Non. Oh, je sais plus, mais en tout Bon. cas, il y a soit sur Orge ou soit le temple. D'accord. Et donc, nous, ça va être le temple, Sancigny, le temple, je crois, ou un truc comme ça. D'accord. Et du coup, vu que c'est loin, notre prof, elle a dit que ça sert à rien que nos parents ils viennent pour dépenser de l'essence, voilà. Surtout que à chaque fois qu'on fait une compétition, et bah, à la fin de la compétition, il y a le podium en fait. D'accord. Et le podium, dans toutes mes compétitions, à chaque fois depuis que je suis petite et que je fais des compétitions, le podium il a toujours été vers 17h, 18h. Donc en gros, ça commence à 17h, 17h30 et ça finit à 20h, un truc comme ça. D'accord. Et là, la prochaine compète, eh ben le podium, il sera à 21h. D'accord. Ce qui fait que ça va finir vers 23h. D'accord. Et du coup, ben, c'est long. Donc déjà que c'est loin, que ça va être long parce qu'on D'accord. doit arriver là-bas à 9h pour finir à 23h. D'accord. Et en plus de ça va prendre l'essence. Et ben, D'accord. notre prof, elle nous a proposé de nous emmener avec sa voiture parce qu'elle a 7 places. Avec toute mon équipe, on est 5, je crois. D'accord. Et du coup, elle nous emmène là-bas, on mangera dans un. On s'arrêtera pour manger quelque part. Et ensuite, on fait notre compète et elle nous raccompagne chez nous. Et voilà. Ben c'est vachement sympa ça. Et c'est quel jour? C'est le 16 avril. Le 16 avril. C'est un quel jour? C'est un samedi, c'est un vendredi, c'est un dimanche? Et bah, ma copine, je crois qu'elle m'a dit que c'était un dimanche, ce qui fait que quand on finira notre compète à 23h, ça va être chaud pour le lundi Ouais, qui va être. ouais, ouais. Mais vraiment, quand elle a regardé, elle a vu que c'était un samedi. Du coup, bah, je sais pas si c'est un samedi ou dimanche. D'accord. Bon. Alors, le 16 avril, est-ce que tu voudras m'appeler pour me raconter après? Tu voudras Oui, bien? si tu veux. Hein? Tu voudras bien? D'accord, c'est super. Bon, bah écoute, tout va bien. Moi, je suis très très content que tu t'inscrives pour ton bac pro. Tu vas voir, ça va te donner, ça va te grandir. Tu vas grandir plus vite, tu vas voir. Et tu vas Ouais. apprendre plus de choses et puis tu seras, tu maîtriseras mieux ton art de coiffure. Tu veux coiffer? Eh bien, donne-toi les moyens de bien le faire, hein? Et ça, c'est bien. D'accord? Bon, Manon, tu as d'autres choses à me raconter? Non, pas Tu m'as forcément. dit l'essentiel? Ouais. Bon, c'est super. Eh bien, maintenant, je te remercie de ce bon petit entretien. Je vais te souhaiter Moi aussi. une bonne semaine. Hein, une bonne semaine. Continue à bien travailler. J'ai noté que pour le dernier trimestre, tu allais mettre le turbo et essayer d'augmenter encore la moyenne de tes notes. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et puis comme ça, tu vas te préparer à un joli bac pro, rentrer au lycée. Le lycée, il est à Argenteuil, tu disais. Oui, c'est le lycée Nadia Fernand Léger. Nadia Fernand Léger. Qui c'était Fernand Léger? Je sais pas du tout, je me suis pas renseignée, Eh bien, renseigne-toi, je crois que mais c'était un artiste. C'était un je peintre sais. qui faisait des jolies peintures de mémoire. Mais je suis pas sûr, moi non plus. Tu vas te renseigner. Et c'est loin de chez toi? Eh ben, il faut prendre le bus. Moi, je sais exactement lequel c'est parce que quand je vais à la gym, je prends le bus numéro 34 et je m'arrête dans un arrêt. Et en fait, mon stade de gym, là, mon gymnase, il est juste ici. Et sauf que le lycée, il est là. Ça veut dire qu'en gros, je peux prendre exactement le même bus, m'arrêter au même endroit, sauf qu'au lieu d'aller là, bah, je vais là. Ben, c'est C'est super. vraiment. Et il faut combien de C'est temps pour y fou. aller de chez toi? En bus, ça fait 20 minutes, je pense. Bon, ça va, c'est pas trop éloigné. Oui, ça va. Ça, c'est Et puis, bien. j'ai l'habitude que soit je m'arrête à cet arrêt-là, Ouais, ou juste à côté, j'ai ou soit compris. je m'arrête à un terminus. D'accord, ok. Ben, Et c'est super, c'est super. Maintenant, je suis en très. plus, ce qui est Ouais. bien, c'est que ce bus-là, il passe juste à côté de ma meilleure amie, ce qui fait que quand ma meilleure amie, elle va sortir de chez elle, elle pourra le prendre, et moi, vu que je serai déjà dedans, bah, on sera ensemble. Ah, oh, bah écoute, tu vois, ça va te raccourcir les trajets. Hein? Ouais. Tu vas pouvoir papoter avec ta copine. Ouais. Et puis quand deux filles sont côte à côte et qu'elles papotent, bah ça y va. Ouais. Hein? Allez, maintenant je te laisse, je t'embrasse. Tu embrasseras bien maman et papa. Tu embrasseras OK. bien Jason. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Et puis, je serai ravi que tu me rappelles quand tu auras fait ta compétition. Hein? C'est toi qui m'appelles. Sur OK. Instagram, tu verras, ça marche bien Instagram. Tu es contente? Est-ce que tu me vois bien? Oui, moi je te vois bien. Est-ce que tu m'entends bien? Ah, ben, elle a coupé. Voilà, tant pis.